إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن لله تبارك وتعالى عبادا شرفهم الله تبارك وتعالى بحسن العبودية وكملهم بطيب التقرب وجمال الطاعة لله تبارك وتعالى أضافهم الله جل وعلا إلى نفسه تشريفا لهم وتعلية لمقامهم وبيانا لعظيم مثوبتهم وجزيل أجرهم عند الله جل وعلا وذلك يا معاشر المؤمنين في آيات عظيمة في أواخر سورة الفرقان صدرت بقول الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن ثم ذكرت نعوتهم الجميلة وصفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة ثم أتبع ذلك ببيان ما أعد الله تبارك وتعالى لهم من عظيم الثواب وكريم المآب Serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a des serviteurs qu'il a anoblis par l'adoration et qu'il a complété et qu'il a mentionné par le rapprochement qu'ils ont à Allah et par leur obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala les a reliés à lui-même pour les honorer et pour élever leur statut et leur degré. Et pour expliquer la grandeur de leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est dans quelques versets dans Surat al-Furqan, à la fin de la surah. Allah subhanahu wa ta'ala débute ces versets en disant « Wa'ibad al-Rahman » c'est-à-dire « Et parmi les serviteurs d'Allah, les serviteurs du tout miséricordieux ». Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala énumère certaines de leurs caractéristiques et de leurs attributs. Et mentionne leur noble comportement et il fait suivre cela par la mention de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé comme récompense pour eux dans le paradis. Ibad Allah, ذكرت صفات هؤلاء العظيمة ونعوتهم الجليلة في مواضع ثمانية من هذا السياق المبارك كل موضع منها مصدر بقول ربنا والذين ثم تذكر نعوتهم وصفاتهم وجدير بكل مؤمن أن يتأمل في تلك الأوصاف العظيمة وتأمل محاسبة للنفس فإذا كان مقصرا أو مفرطا أو عنده شيء من الخطأ والزلل فليبادر بتكميل نفسه قبل مجيء الأجل أيها المؤمنون عباد الله أول نعوت هؤلاء في هذا السياق المبارك العظيم أن وصفهم الله جل وعلا بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده والإعراض عن سفه الجاهلين ودفعهم بالتي هي أحسن قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par mentionner les caractéristiques de ses croyants et leur noble leurs nobles attributs en disant qu'ils marchent sur la terre en paix et en tranquillité et qu'ils sont humbles envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers ses serviteurs et qu'ils se détournent des ignorants et des faibles d'esprit. Et ils repoussent leur attitude et leur mauvais comportement par la meilleure des comportements. Et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet: et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Et lorsqu'ils sont adressés par des ignorants, ils disent paix, salam. وذكر جل وعلا في أوصافهم العناية بالقيام مع الإخلاص لله وخضوعا وخشوعا وركوعا وسجودا. قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله سبحانه وتعالى mentionne également parmi leurs caractéristiques qu'ils se tiennent en prière pour Allah subhanahu wa ta'ala en faisant preuve de sincérité et avec humilité, avec concentration, et ils se prosternent, ils s'inclinent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc à leur sujet ce qui signifie: et ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Wa dhakara Allah tabaraka wa ta'ala min awsafihim annahum مع أعمالهم الجليلة وأوصافهم النبيلة مشفقون من النار وخائفون من عقوبة الجبار جل وعلا. ولهذا فإنهم يلجأون إليه بالضراعة والدعاء أن يقيهم الله من النار ومن جميع الأسباب المفضية إليها. قال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الله سبحانه وتعالى mentionne également parmi leurs caractéristiques qu'avec leurs nobles actions et les bonnes œuvres qu'ils font, ils sont malgré tout remplis de crainte du feu de l'enfer. Et ils ont peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Et c'est pour cette raison qu'ils se réfugient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en humilité, en l'invoquant de lui et en lui demandant de les protéger contre l'enfer et les causes et les choses qui sont des causes pour y aller. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne donc à leur sujet ce qui signifie: et ceux qui disent: ô notre Seigneur, écarte-nous du châtiment de l'enfer, son châtiment est certes permanent. Quel mauvais gîte et quel mauvais lieu de séjour. وذكر الله جل وعلا من أوصافهم العظيمة بذل النفقات الواجبة والمستحبة مع التوسط والاعتدال بين الإسراف والتقتير والتجاوز والتقصير. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne, ils ne sont ni prodigues, c'est-à-dire ils ne vont pas donner de façon excessive et exagérée jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien, et en même temps ils ne vont pas être avares mais se tiennent au juste milieu. Et donc ça fait partie également des caractéristiques que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à leur sujet, du fait qu'ils dépensent des obligations, ils dépensent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu obligatoire et également de ce qui est recommandé ou conseillé de donner, et ils font preuve de modération et ils sont dans le juste milieu à ce sujet. وذكر جل وعلا من أوصافهم بعدهم عن كبائر الذنوب وعظائم الآثام وخص منها بالذكر الشرك بالله وقتل النفس المعصومة والزنا لأن هذه الثلاثة أعظم الذنوب وأكبر الموبقات مع بيان حرص هؤلاء على المبادرة إلى التوبة عند الوقوع في شيء من ذلك مع الاستكثار من الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله سبحانه وتعالى mentionne également parmi leurs caractéristiques qu'ils s'éloignent des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné en particulier parmi ces péchés le shirk avec Allah, c'est-à-dire le fait d'associer dans l'adoration avec Allah et d'adorer d'autres avec lui. Également le meurtre, qui fait partie des plus grands péchés, lorsque quelqu'un tue une personne qui est protégée. De même que l'adultère et la fornication, qui sont également parmi les grands péchés, et ces trois péchés-là sont parmi les plus importants et les plus graves, qui amènent les âmes à leur perdition. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné également le fait que ces croyants, ces serviteurs du tout miséricordieux, lorsqu'ils tombent dans un péché quelconque, parmi ces péchés ou parmi d'autres, ils se précipitent à se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et à demander pardon. Et ils accomplissent beaucoup de bonnes œuvres pour effacer les péchés qu'ils ont commis. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet ce qui signifie: et ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah, qui ne font pas de shirk et qui ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf pour un droit, et qui ne commettent pas la fornication ou l'adultère, car quiconque fait cela encourra une punition. Et le châtiment d'Allah lui sera doublé au jour de la résurrection. Et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie, d'humiliation, sauf celui qui se repent, croit en Allah et fait les bonnes œuvres. Alors cela, Allah subhanahu wa ta'ala changera leurs mauvaises actions en bonnes œuvres. Et quiconque se repent à Allah et accomplit une bonne action, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. وذكر الله جل وعلا من أوصافهم العظيمة بعدهم عن مجالس المنكر والغفلة والباطل والضلال وإذا مروا بشيء من تلك المجالس مروا مرورا يكرمون فيه أنفسهم وينزهونها عن مجالس اللهو والباطل. قال الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الله سبحانه وتعالى a également mentionné à partir de ces versets parmi leurs caractéristiques nobles, c'est qu'ils s'écartent des assises ou des endroits où les gens font preuve d'insouciance et où ils s'assoient pour parler de fausseté et d'égarement. Et lorsqu'ils passent près de quelque chose qui fait partie des choses qui sont fausses ou qui sont mauvaises, ils passent d'une manière dans laquelle ils restent honorables et ils s'écartent et se préservent de ces endroits ou de ces assises où il y a de l'abusement et de la fausseté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet ce qui signifie: et ceux qui ne sont pas témoins du zour. Et ça signifie, yani, soit qu'ils ne portent pas eux-mêmes de faux témoignages, ou bien également qu'ils ne font pas également de choses qui sont fausses ou qui font partie des péchés, et ils ne sont pas témoins de ces péchés-là. Donc si ces péchés-là se produisent et qu'ils passent devant ou ils les voient, eh bien ils ne sont pas témoins de ça, ils ne vont pas rester pour regarder ou pour écouter ou pour participer à tout ce qui est péché ou tout ce qui est haram. Et lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, ils s'en écartent noblement et honorablement. وذكر الله تبارك وتعالى من أوصافهم العظيمة تعظيمهم لآيات الله وعدم مقابلة شيء منها بالصدور والإعراض بل يقابلونها بحسن الاستماع وكمال الانتفاع قال الله تبارك وتعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne également parmi leurs caractéristiques que ce sont des gens qui respectent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'arrêtent aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ne traitent pas les versets d'Allah en se détournant de ceux-ci ou en s'écartant d'eux lorsque ils sont mentionnés. Par rapport à quelque chose qu'ils font, et donc ils s'arrêtent. C'est-à-dire que s'ils voient quelque chose, ils sont en train de faire quelque chose qui est haram, et qu'on leur mentionne un verset du Coran, ou un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils vont écouter, et ils vont s'abstenir de continuer de faire ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une leçon de ces versets et ils vont s'y soumettre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie ceux que lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ils ne deviennent ni sourds ni aveugles. C'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas sourds comme s'ils ne les avaient pas entendus et ils ne deviennent pas aveugles comme s'ils ne les avaient pas vus. Et donc ils restent éveillés et conscients de ce qu'ils ont entendu et ils s'abstiennent de continuer dans le péché. وذكر الله جل وعلا في آخر ما وصفهم به في هذا السياق المبارك من نعوت عظيمة وخصال جليلة حسن توجههم إلى الله تعالى بأكمل الدعاء وعظيمه لأنفسهم ولأهليهم وضراريهم بما يتحقق به قرة العين وسعادة الدارين قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله سبحانه وتعالى mentionne également parmi leurs caractéristiques dans les séries de versets qui sont mentionnés à la fin de Sourate Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne parmi leurs caractéristiques qu'ils se dirigent et qu'ils s'orientent dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des bons du'as, des invocations grandes et importantes pour eux-mêmes et pour leur famille et pour leurs enfants. Approchez-vous un peu. Donc ils font les grandes invocations, ils font les meilleures invocations pour eux-mêmes, pour leur famille et pour leurs enfants, parce qu'il va leur procurer la joie des yeux et le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, et ceux qui disent ou qui demandent à leur Seigneur en disant, Seigneur, Rabbana, donne-nous en nos épouses et en nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله ثم ختم جل وعلا هذا السياق المبارك الذي ذكر فيه جل وعلا أوصاف هؤلاء العالية وخصالهم الرفيعة بأن الله عز وجل يجزيهم من جنس صنيعهم وفعالهم بعلو الدرجات ورفيع المنازل يوم القيامة. فقال جل شأنه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها، أي في الجنة، تحية وسلاما. تتلقاهم ملائكة الرحمن بالتحيات الطيبات، ولهم في الجنة السلامة الكاملة من المنغصات والآفات. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a ensuite terminé cette série de descriptions pour les serviteurs du Tout Miséricordieux en mentionnant parmi ses nobles caractéristiques et ses attributs élevés que Allah azza wa jal va récompenser ceux qui ont ces caractéristiques par ce qu'ils ont mérité à cause de leurs actes, de leurs bonnes œuvres, en leur donnant les demeures élevées du paradis au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet: ceux-là seront rétribués et récompensés en un lieu élevé du paradis à cause de leurs endurances, et ils y seront accueillis par des salutations et paix, c'est-à-dire dans le paradis, pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et quel beau séjour! Et les anges vont les accueillir par des salutations, par des belles salutations, et ils auront une sécurité entière et complète et parfaite dans le paradis. Ala ma a'zama 'ibadallah min khisalin. ألا ما أعظمها من خصال يا عباد الله، وما أجلها من نعوت، وحري بكل مسلم أن يعرض نفسه وأعماله في ضوء هذه الآيات الكريمات من سورة الفرقان، ويحاسب نفسه محاسبة دقيقة، ويجاهد نفسه على الترقي إلى الكمال والبعد عن سيء الخصال، مستعينا بربه ذي الكمال والجلال والتوفيق بيده وحده لا شريك له. نعم serviteur d'Allah, comme ce sont des belles descriptions et des nobles descriptions, serviteur d'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala a donné et a mentionné, et il est nécessaire pour chaque musulman de se mettre en comparaison de ces caractéristiques. C'est-à-dire que chaque musulman doit, lorsqu'il récite ces versets et lorsqu'il les entend, se mettre dans la balance et se donner des comptes, se faire des comptes à lui-même pour se demander où il en est par rapport à ces descriptions, et se mettre à se questionner lui-même pour essayer de s'améliorer dans sa religion, pour essayer d'évoluer et de s'élever dans sa religion pour arriver à cet état et ces caractéristiques idéales que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de ses serviteurs, pour faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné et pour s'écarter des mauvaises choses parmi les mauvaises caractéristiques que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné, en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant et le Parfait, et le succès est entre sa main. C'est-à-dire que nul d'entre nous ne peut atteindre la piété et la réalité de ces caractéristiques que Allah a mentionné à propos de ses serviteurs sans son aide. Nasallallah jalla wa ala أن يوفقنا جميعا وأن يصلحنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسأله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وجميع أسمائه وصفاته أن يتفضل علينا منا منه وتكرما